sans ajouter, si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis : Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct.